de mon cœur, plus douce et plus jolie qu'un souffle de bonheur. Une rose a fleuri et je n'y pouvais rien. Elle est née cette nuit et je n'y veux plus rien. Il était temps qu'elle s'en vienne. À l'amour, je ne croyais plus. Si ma peine était souveraine, par une rose elle est déchue. Il était temps qu'elle s'en vienne, alors que je n'attendais plus. Pourquoi la belle as-tu fleuri? Pourquoi la belle as-tu promis? Une rose a fleuri au jardin de mon cœur, plus douce et plus jolie qu'un souffle de bonheur. Une rose a fleuri et je n'y pouvais rien. Elle est née cette nuit et je n'y peux plus rien. En mon jardin, pourquoi la belle es-tu venue te promener? Je n'avais qu'à tendre la main, je l'ai fait et suis prisonnier. En mon jardin, pourquoi la belle es-tu venue tout me donner? Ce matin je pleure de joie. Une rose a fleuri au jardin de mon cœur, plus douce et plus jolie qu'un souffle de bonheur. Une rose a fleuri et je n'y pouvais rien. Elle est née cette nuit et je ne veux plus rien.